avec la figure que je viens de peindre et qui n'est point chargée. Monsieur Simon était galant, grand conteur de fleurettes, et poussait, jusqu'à la coquetterie, le soin de son ajustement. Comme il cherchait à prendre ses avantages, il donnait volontiers ses audiences du matin dans son lit. Car, quand on voyait sur l'oreiller une belle tête, personne n'osait s'imaginer que c'était là tout. Cela donne lieu quelquefois à des scènes dont je suis sûr que tout Annecy se souvient encore. Un matin qu'il attendait dans ce lit, ou plutôt sur ce lit, les plaideurs, en belle coiffe de nuit, bien fine et bien blanche, ornée de deux grosses bouffettes de ruban couleur de rose, un paysan arrive, heurte à la porte. La servante était sortie. Monsieur le juge mage, entendant redoubler, crie « Entrez !» Et cela, comme dit un peu trop fort, partit de sa voix aiguë. L'homme entre. Il cherche d'où vient cette voix de femme. Et voyant dans ce lit une cornette, une fontange, il veut ressortir, en faisant à madame de grandes excuses. Monsieur Simon se fâche et n'en crie que plus clair. Le paysan, confirmé dans son idée et se croyant insulté, lui dit qu'apparemment elle n'est qu'une coureuse et que monsieur le juge mage ne donne guère bon exemple chez lui. Le juge mage furieux et n'ayant pour toute arme que son pot de chambre, allait le jeter à la tête de ce pauvre homme quand sa gouvernante arriva.